Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Depuis 6 ans, Molière et Madeleine sont sur les routes. Ils vendent des bananes, des pommes, des artichauts. Mais non, pas du tout, je raconte n'importe quoi. Ils sillonnent le sud-ouest de la France. À Montpellier, à Bordeaux, à Pézenas, ils s'arrêtent de longs mois pour jouer leur plus belle tragédie. Molière n'est pas le seul camarade que Madeleine a fait engager dans sa nouvelle troupe. Mazette, elle a réussi à embarquer avec elle 3 anciens de l'illustre théâtre. Elle croit en leur petit groupe. Ils ont essuyé quelques échecs, et alors ? Le soleil brillera à nouveau. C'est une question de temps. Dans le carrosse qui les emporte vers leur prochaine destination, la jeune femme observe Molière du coin de l'œil. Ce type est dément. Il a le théâtre dans le sang. Oui, bon, là, tout de suite, c'est vrai qu'il n'est pas au plus fort de sa forme. Mais que veux-tu ? Il est 15h, c'est l'été. Après le canard grillé et les pichets de rosée, un petit roupillon s'impose. Madeleine et Molière adorent la vie de troupe. En tournée, on partage tout. Les joies, les peines et parfois même un peu plus. Joseph, pardon, j'ai perdu tous mes slips. Tu pourrais pas m'en prêter un ? Bravo les amis, oh, oh, quelle solidarité. Molière et ses camarades sont une famille, une tribu. La tribu mène une vie joyeuse. Ils vont de château en château, ils jouent pour divertir la noblesse, souvent lors de grandes fêtes. Après les représentations, on leur sert des poulardes, des dindonneaux bien juteux et bien sûr, des crottins de privaux. Ce fromage ne te dit rien ? Normal, je viens de l'inventer. Pour payer les costumes, les décors, les salaires, les comédiens recherchent de puissants protecteurs. Molière est très habile avec eux. Il charme, il séduit, il arrive toujours à leur faire ouvrir leur petit porte-monnaie. Au sein de la troupe, notre homme prend de plus en plus de décisions. Ses camarades ont confiance en lui. Molière devient directeur. 6, 7. Les affaires vont bien. Depuis peu, ils sont soutenus par le très puissant prince de Conti. La troupe joue partout. Et ce n'est pas uniquement grâce à la beauté de leur décor ou la richesse de leurs costumes. Non, oh, ce sont d'excellents comédiens et cela fait beaucoup. Beaucoup, mais pas tout. Pour réussir, vraiment réussir, il faut proposer au public de nouvelles pièces. Et oui, c'est normal. Les spectateurs n'ont pas envie de se farcir 106 fois la même histoire. Entendu, mais... Où les trouver, ces nouveaux textes ? Eh bien, le plus simple reste encore que les comédiens les écrivent eux-mêmes. Alors, qui pour se coller à la tâche ? Tous se regardent. Il se lance dans une partie de plouf endiablé. Plouf, plouf, ce sera toi qui... Plouf, plouf, plouf, plouf, ce sera toi qui... Plouf, plouf... Oh, ça va, ça suffit, là. Molière, agacé, décide de se retrousser les manches. Des pièces, il en a déjà écrites 2 assez courtes en un acte qu'on appelle des farces. Il est temps pour lui d'aller un peu plus loin. Seul, dans sa chambre, il allume une petite bougie. Il trempe sa plume dans l'encre noire, puis il la fait glisser sur une feuille de papier. Pas tout à fait blanc, mais oui, un peu crème. Oh non, Molière, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu viens de dessiner une patate ! Mais archi mal en plus ! Oui, je sais, Laure, je voulais te faire une petite blague. Ah oui ? Dis donc, c'est réussi. Tu m'as bien eu, vieille branche. Mais allez, reprenons. Molière écrit sa première grande pièce et... Surprise ! C'est une comédie qu'il intitule « L'étourdi ». comédien et directeur de troupe. Le voici également, auteur de théâtre. Quel succès! C'est parti, il ne s'arrêtera plus! C'est alors que... catastrophe! Le prince de Conti les lâche! Sans protecteur, que va-t-il arriver à la troupe de Molière? Notre homme, heureusement, a plus d'un tour dans son sac. Il décide de faire un petit voyage. À peine de retour, il réunit ses camarades. Mes amis, je reviens de Paris où il faisait un temps... Mais alors, un temps... infect. Alors ça, franchement, on a beau dire Paris c'est beau, mais il pleut. Allez, Molière, abrège, on n'en peut plus là. Bon, comme je vous le disais, je rentre de Paris avec une très grande nouvelle. Nous avons un nouveau protecteur. Nous sommes désormais la troupe de Philippe d'Orléans, frère unique de Sa Majesté le Roi. Nous jouerons au théâtre du Petit Bourbon. Nous sommes en 1658. Molière a 36 ans. Il porte la moustache et des souliers à boucles en argent. Il rentre à Paris, bien décidé cette fois à s'y faire une place. Oh là, monsieur Molière, êtes-vous sûr? La concurrence, je vous le rappelle, est rude. Arriverez-vous, cette fois, à tirer votre épingle du jeu? La troupe donne ses premières représentations en novembre 1658. Il décide de se lancer avec une tragédie. Mauvaise idée. C'est un flop. 15 jours plus tard, il joue deux pièces comiques écrites par Molière. Cette fois... Oh, génial! Le public est au rendez-vous! Très vite, la troupe est invitée à jouer devant la cour. Au palais du Louvre, au château de Vincennes, chaque fois le roi est présent. En plus, il ne baille pas une seule fois. Oh pétard! Mais tout leur sourit! Maintenant, il faut durer. Molière se creuse les méninges. Épater et séduire, encore et toujours. Voilà le prix du succès. Mon public veut rire? Eh bien, soit, je le ferai rire. Mais je dois aussi le surprendre. Reste à trouver comment. L'œil de Molière est aiguisé. Il perçoit très finement les défauts des hommes et des femmes de son temps. Cette qualité, il décide de s'en servir. En 1659, Molière a un coup de génie. Il écrit « Les précieuses ridicules ». Dans cette pièce, il moque certaines dames de la haute société pour lesquelles rien n'est jamais assez élégant. Il joue « Mascarille », un valet aussi fripon que rusé. Molière utilise son corps. Il bouge dans tous les sens. Il a des mimiques incroyables. Les spectateurs sont sur les fesses. Ils n'ont jamais vu ça. Molière vient d'inventer une nouvelle façon de faire rire et de jouer. Un vent de fraîcheur souffle sur la scène. Le public a l'impression de voir la vie, là, en train de se dérouler, juste devant ses yeux. Les comédiens font semblant, bien sûr. Pourtant, c'est aussi vrai que nature et tellement drôle. La troupe se produit désormais au théâtre du Palais Royal. La scène est immense. Molière se frotte les mimines. 1500 places? Génial! Nous allons multiplier les bénéfices. Notre homme n'est plus simplement comédien ou auteur. Il met en scène, il choisit les décors, il est partout, il fait tout. Chaque soir, entre les portiers, les musiciens, les danseurs, les éclairagistes, il fait vivre près de 50 familles. Tous comptent sur lui. Oh, bonjour la pression! Heureusement, les Parisiens l'acclament. Tous? Oh bah non! Dans les rues de la capitale, les bouches sont souvent pleines de poison. Molière! Ah oui, il écrit des petites pièces rigolotes. Mais bon, rien à voir avec la grande, la majestueuse tragédie. D'ailleurs, il essaie bien d'en jouer avec sa troupe. Les pauvres! Mais ça ne marche jamais! Molière n'est pas dupe. Il sait tout ça. Mais qu'il continue à jacter dans mon dos, qu'est-ce que ça peut faire? Mes petites pièces font rire Paris et le roi. Le roi, c'est Louis XIV. Il a environ 24 ans, il adore le théâtre, la musique. Dans son nouveau château à Versailles, il donne de somptueuses fêtes. Il veut y briller tel un astre et montrer l'étendue de sa puissance. Bientôt, tous l'appelleront le roi soleil. Louis XIV a besoin d'un artiste à sa mesure. Molière sait se montrer à la hauteur. Il met en scène de somptueux spectacles mêlant danse, théâtre et musique. Louis XIV est séduit. Molière n'est vraiment plus n'importe qui. Il y a quelques années, il s'est marié. Son épouse fait partie de la troupe. Elle s'appelle Armande Béjart. Officiellement, elle est la petite sœur de Madeleine, mais en vérité, il s'agit de sa fille. Molière continue d'écrire, d'inventer, de créer. Tout ce qu'il observe se retrouve dans ses pièces. Il moque tout. Avarice, mauvais poète, mauvais mari, mariage forcé, tout y passe. Il offre à la noblesse un miroir en brin déformant et miracle, il rit aux éclats. Molière va de plus en plus loin. Ses ennemis sont nombreux. En 1664, il s'attaque à la religion. Dans sa pièce Tartuffe, il décrit les mésaventures d'un faux dévot, un homme soi-disant très croyant, qui n'est en fait qu'un imposteur, un hypocrite. L'Église, très puissante à l'époque, réagit au quart de tour. On fait pression sur le roi, certains rêvent de voir Molière brûler sur un bûcher. L'Église finit par gagner. Tartuffe est interdit de représentation. Molière ne compte pas en rester là. Il change sa pièce, il l'adoucit. Cela suffira-t-il? Pas sûr. Seul le roi peut me sortir de là. Mais zut, Louis XIV est parti à la guerre. L'auteur est tenace. Il fait envoyer deux amis comédiens sur le champ de bataille dans l'espoir d'obtenir une autorisation. Hélas, il rentre bredouille. Molière a le moral au fond des chaussettes. Allez, la vie continue. Il écrit et il joue d'autres pièces. 5 ans plus tard, le roi autorise finalement Molière à jouer son Tartuffe, modifié. Le jour de la reprise, tout Paris se presse pour voir la fameuse œuvre qui, tant d'années, a été interdite. Le triomphe est total. Les années passent. Nous sommes en 1672. Molière a 50 ans. Il est riche et célèbre. Hélas, cette année-là, Madeleine Béjart, sa plus grande amie, meurt. Notre homme est dévasté. L'année suivante, il n'est pas en grande forme. Il joue alors Le Malade Imaginaire, sa dernière création. Le jour de la 4e représentation, on le supplie de ne pas monter sur scène. Molière refuse d'écouter. Si je ne joue pas, 50 personnes ne toucheront pas leur salaire. À la fin de la pièce, il rentre chez lui, franchement patraque. Il tousse, son mouchoir est taché de sang. Quelques heures plus tard, il meurt. Nous sommes le 17 février 1673, un an, jour pour jour, après la mort de Madeleine. Dehors, la neige s'est arrêtée de tomber. Molière n'est pas vraiment mort cette nuit-là. Une semaine après son enterrement, ses comédiens reprennent Le Malade Imaginaire. Il continue ensuite de jouer ses autres pièces et les spectateurs continuent de les acclamer. 7 ans plus tard, Louis XIV décide de réunir la troupe de Molière, la troupe du Marais et celle de l'hôtel de Bourgogne pour créer un nouveau théâtre, la comédie française, laquelle existe encore aujourd'hui. Si tu y vas un jour, jette un œil dans les couloirs. Dans un grand cube transparent, tu pourrais bien apercevoir un vieux fauteuil de cuir. Ce fauteuil, c'était celui de ma tante Germaine. Mais non, bien sûr, c'était celui d'Argan, le personnage joué par Molière dans sa dernière pièce, Le Malade Imaginaire. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Derrière cet épisode, il y a Hélène Biziot, Fanny Leroy, Benjamin Orgeret, Basile Bocquer et moi, Laure Grand Besançon. Au théâtre, la couleur verte porterait malheur. Mais pourquoi ? Eh bien, il paraît que la dernière fois que Molière a joué, il avait un costume vert. En réalité, la méfiance vis-à-vis de cette couleur viendrait de certains composants utilisés dans la teinture qui, autrefois, étaient très toxiques. Tu as envie de prolonger le voyage ? Bonne nouvelle ! Les Odyssées existent désormais en livre. Retrouve Calamity Jane, le monstre du Loch Ness, Marco Polo et bien d'autres fantastiques aventures dans un livre magnifiquement illustré. Une coédition France Inter.